Bonjour à tous, vous êtes sur Fadjet 94.2. Ici, c'est la folie puisqu'on fête les 30 ans de votre radio préférée. Et ce matin, de 11h à midi, nous allons revisiter l'année 1987. Et pour ça, bah, je suis entouré d'une équipe de choc puisque je suis avec Evie. Salut Evie. Salut. En forme ? Voilà, grande forme. Evie, t'as toujours le sourire, ça fait plaisir ça. Et puis ce matin, on est avec Emilien. Salut Emilien. Bonjour et bon anniversaire à Fadjet. Ah, exactement, c'est bien de le rappeler. Et puis il y a François là qui est sur son portable. François, si t'as pas envie d'être avec nous, tu peux sortir du studio. Ce n'était pas un choix, hein, d'accord, je précise. J'étais obligé, contraint, mais non, je suis content d'être avec vous ce matin. Bon, on est super ravis d'être avec vous. Alors ce matin, de 11h à midi, comme je le répète, on va revisiter l'année 1987 et voir un peu ce qui s'est passé à Fadjet. Mais avant, Evie va nous faire un petit éphéméride. Elle va nous rappeler les grands événements de l'année 1987. Evie. Oui, d'accord. Ah d'accord, en fait, c'est pas Evie, c'est François. Evie, c'est moi. Bah oui, voilà, il fallait bien qu'elle me trouve quelque chose à faire. Alors, il y a eu des naissances. Hein, en cette année 87, si je ne m'abuse, c'est Keisha. Ah, c'est qui Keisha? Chanteuse américaine. C'est pour ça que je les ai regardés avec, insistance pour qu'ils répondent à ma question. Par contre, une qu'on connaît bien tous, qui a eu un échec retentissant hein, suite à la Starac, c'est Magali. Magali Vaé. Ah ouais, je me souviens de Magali Vaé. Très sympathique. Elle est super carrière d'ailleurs. Ouais, 7 heures. Et donc. Arrêtez, ne soyez pas méchants, c'est l'anniversaire de Fadjet. Il y a aussi Amy McDonald. Oh, la catastrophe. Michael Vendetta, eh bien, qu'on on ne sait pas forcément où il est. Cette... Il est avec Magali Vaé. Et aussi la naissance de Karim Benzema, d'ailleurs la génération 87. Ils étaient plusieurs, aussi avec Atem Ben Arfa, si je ne m'abuse. Il y avait aussi des événements hein, cette année-là. La première émission du Club Dorothée. Eh bien, oui. Alors, autour de cette table, vous aviez quel âge? Moi j'avais 0 ans. Moins quelques années. Moi je passais le permis l'année là à peu près. Ah d'accord, donc tu fais pas non, j'avais moins 7 ans en fait. T'avais moins 7 ans? Oui. Oh, quel cata. Et moi j'avais moins plus 7 ans, vous voyez. C'est vrai. Et donc c'est j'étais en plein dedans le Club Dorothée, effectivement, j'étais vraiment. Parce que c'est pas votre génération finalement. Ben si, moi je regardais ça quand j'étais petit. Alors après, quand ça a avancé un petit peu dans les années 90, au tout début, non. C'était aussi la fin de carrière de Michel Platini. Oui. Pour ceux qui n'ont pu le voir jouer, Klaus Barbie a condamné aussi à perpétuité, donc ça c'est moins drôle. Encore un sujet beaucoup moins drôle, un événement moins drôle, c'était Le Pen qui a déclaré que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire et proposait de mettre tous les malades du sida dans un sidatorium. Ça paraît complètement débile, mais c'est ça, même en lisant, c'est incroyable, j'ai l'impression que c'est une connerie monumentale. Première utilisation aussi de l'ADN hein, pour une enquête en Grande-Bretagne, première cérémonie des Molières en 87, création de France Info. Oui. Les All Blacks aussi s'emparent de leur première Coupe du Monde. Et il y a eu la signature du contrat portant la création à Marne-la-Vallée de Disneyland qui ouvrira qui est en 92. Et moi, j'ai fait la première hein, de Disneyland en 92. J'avais 12 ans. Bah moi, j'avais première. Plus un an. C'est incroyable. Et donc, il y avait aussi malheureusement eh bien, des morts cette année-là. Notamment, si je vous... Bah, je vais vous la mimer hein, parce que c'est... On est obligé de passer par là, alors vas-y. Je me nourris tout seul sur scène. Dalida. Bravo, bravo. Pourtant, là, j'étais très, très, très, très, très loin. Qui est décédé en 87. Lino Ventura, Andy Warhol et aussi Marguerite Yourcenar. C'est qui, Marguerite Yourcenar? Oh, bah, elle a fait. Oui, une écrivaine. On donne des noms de gens qu'on ne connaît absolument pas. Bah, mais alors qu'elle s'appelle Marguerite, en fait. Ouais. Et pourquoi? Ok. C'est une fleur. Elle a un nom de fleur. Voilà, c'était tout pour moi pour l'éphéméride. Bah, vous avez oublié quelque chose de super important et ah là bon je vous envoie un petit peu puisqu'en 1987, le 15 décembre, c'était un mardi à 23h05, eh bien, il y a eu la naissance de ce magnifique, gigantesque, super Anto. Moi. Ouais. Quand le mec il fait son le auto-promo. Le 15 décembre 1987, donc c'est dans pas longtemps, donc je compte sur vous pour ne pas l'oublier d'ailleurs. Oui, Anto, donc tu feras la matinale ces jours-là, je ne sais pas. Pourquoi pas, je ne sais pas c'est un quel jour cette année, mais pourquoi pas. Bon, en attendant, puisqu'on se concentre sur l'année 87, on va se faire une petite pause musicale et on va s'écouter le tube de l'année 1987. Rappelez-vous, c'était U2 avec With or Without You, tout de suite sur Fadjet. Stone said C'était With or Without You de U2. C'était en 1987. Vous êtes sur Fadjet. Fadjet, 30 ans, 30 heures de direct. Et oui, ce matin, nous fêtons les 30 ans de Fadjet avec 30 heures de live non-stop jusque demain, 15 heures. Et du coup, ben, tout de suite, ce que je vous propose, c'est une interview de la personnalité Fadjet 1987. C'est une interview de Jean-Pierre Adé, qui fut l'un des premiers coordinateurs de votre émission, Pomme, du dimanche après-midi. Je vous laisse écouter. Bonjour Jean-Pierre Adé, vous êtes l'un des créateurs de Fadjet, vous étiez là au tout début à la création dans les années 1985. Est-ce que vous pouvez nous donner vos impressions sur comment s'est monté ce beau projet associatif ? Bonjour, alors un des créateurs, je ne sais pas, en tout cas un des partisans de cette idée, un des collaborateurs à l'époque de Guy Lescan, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, j'ai œuvré avec des boîtes à œufs, j'ai collé ça sur les murs pour faire en sorte que la radio commence. À l'époque, on était rue des Ponts. Voilà. Je suis arrivé là un peu par hasard, dans le sens où j'étais dans l'aumônerie, aumônerie technique. J'étais tout jeune, hein, j'avais 18 ans, quelque chose comme ça. On a vraiment lancé la radio quand elle est arrivée, donc à côté de l'église Charles III, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Tout à fait. En tout cas, à l'époque-là, donc 85, on était dans une autre épopée où on avait une résonance en termes d'écoute qui était bien moins qu'actuellement, hein, puisque moi je me souviens, c'était le centre-ville quoi, qui était arrosé par Radio Fadjet. Hein. Alors après, ça a très vite évolué. Moi j'ai fait quelques émissions, je me rappelle, j'avais lancé une émission musicale qui s'appelait The Music Machine. On se faisait des petits jingles avec des cassettes à l'époque, enfin, des petits montages sur Revox. Et puis c'était une espèce de hit parade et on avait un petit budget, on achetait des disques. À l'époque c'était des vinyles, des maxi 45 tours qu'on achetait place Pierre en face de la gare. Il y avait des marchands de disques là dans le temps et on avait un petit budget, on arrivait toujours à acheter 3-4 disques et on faisait notre petit top 50 avec à l'époque un copain Cyril. Et puis après j'ai fait une émission médicale, donc je faisais le Candide et puis alors ça n'avait rien à voir avec l'émission médicale qu'on voit sur la télé là, avec Dr Simet, mais oui. on essayait de répondre à quelques questions avec un bénévole qui était chez nous et qui faisait des études de médecine à l'époque, et maintenant du reste. Et puis après pour moi l'émission que j'ai adoré porter et que j'ai créée avec un jeune homme, hein, parce qu'à l'époque on était tous des jeunes hommes, c'est l'émission Parole d'Outre-Mur qui a été j'allais dire pour moi le fil rouge de Fadjet pendant pratiquement 10 ans, puisque moi j'ai tenu cette émission pendant 10 ans. C'était tous les dimanches et ça dure encore. Hein. Et voilà, ça dure encore, c'est ce que j'allais dire. Parole d'Outre-Mur qu'on retrouve évidemment tous les dimanches. C'est vrai que c'est une belle histoire, hein, cette création de radio, ça c'est une chose, et puis cette création d'émission également. Alors oui, alors à l'époque, je rentrais de l'armée. On l'a vraiment lancé, j'allais dire en 86, quelque chose comme ça. Et moi, je rentrais de l'armée en 86. Et dans les locaux de Fadjet, je suis tombé sur un garçon qui avait connu ce genre d'émission sur Lyon. D'accord. Et il avait dit, tiens, pourquoi on ne montrait pas ce genre de choses? Ben, je dis, bon, on y va. Et puis, avec le temps, on est passé d'une demi-heure à une heure. Et puis, à un moment donné, je crois qu'on a même fait 2 heures d'émission, tous les dimanches. Mais tous les dimanches, c'était lourd. Et tous les dimanches, pendant presque 10 ans, je venais à Fadjet. Hein. C'était quand même, maintenant, avec le recul, je me dis, quand même, c'était quand même pas mal. Ben oui. De temps passé. Alors, il y a des anecdotes fabuleuses. Hein. Moi, je reçois. Alors, après, ça a beaucoup changé. Hein. Mais c'est en fonction du temps, évidemment, les mœurs changent. Mais au tout début, je me souviens, où on était surtout écouté donc à Charles III, on avait le Lido qui était la salle d'attente. Hein. À l'époque, la prison était près de Puisevilliers. Mm-hmm. Après, on a rayonné surtout les Crouves, Saint-Miel, mais c'était surtout Charles III et on avait des familles qui venaient nous voir. Les prisonniers nous envoyaient des poèmes, des écrits, on avait des dessins. C'était vraiment c'était incroyable. Quoi. D'ailleurs, j'avais conservé tout ça et maintenant c'est en archive chez vous. Mm-hmm. Mais il y a des superbes dessins, des beaux poèmes et ainsi de suite. Et de temps en temps, eh bien, les détenus qui étaient libérés venaient nous voir. Ah, c'était des grands moments d'émotion. C'est sympa ça. Voilà. Bon, alors, est-ce que vous pensiez qu'un jour Fadjet aurait 30 ans à la création ? Bah écoutez, quand ça a commencé, j'en avais 20. Alors voilà, bah, je vais en avoir bientôt 50, c'est quand même un chien, quoi. C'est vrai que c'est fou tout ça. Ouais, ouais. Et il y a pas mal de figures, il y a certaines disparues malheureusement qui ont été rappelées, des jeunes, hein, des maladies. On n'y pense pas en fait, hein, on ne pense pas à ce que ça va devenir. Hein. Moi je suis stupéfait du fait que ça fait 30 ans que c'est la même fréquence déjà. C'est vrai, ça a un peu de chance près, c'est ça. C'est vrai, hein. Et puis il y a les émissions qui durent aussi. Bon, on parle d'Outre-Mur notamment, mais il y a d'autres émissions qui durent. Les émissions du matin, les matinales, je sais plus comment vous appelez ça. Tout à fait, service compris. Ça, c'est 94. Voilà, des émissions qu'on commencé dès le début. Ce qui est bien aussi, c'est que vous êtes resté toujours, comment dirais-je, sans publicité. Vous avez eu rapidement, alors je dis vous parce que je suis plus chez vous, mais on a rapidement eu de la qualité. Ça, je me souviens, les sons compressés par rapport à d'autres radios, on a rapidement eu un son de bonne qualité. J'ai toujours trouvé que malgré le fait qu'on soit des bénévoles, un peu dans notre coin, des fois pas pris au sérieux, mais on avait toujours des émissions au niveau technique de très grande qualité, puis au niveau humain aussi de belle qualité. Il y en a certains qui en ont fait leur métier sur des grandes chaînes nationales. Tout à fait, comme Gilles Barret. Voilà. Par exemple, c'est belle école, hein. Et puis le projet est sympathique, le projet de Fadjet, c'est quand même aussi, moi j'y suis sensible puisque président d'une MJC, surtout dans un quartier défavorisé comme le Vièvre, on est sensible à ça et c'est un tremplin pour pas mal de jeunesse, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont passés par Fadjet à des postes différents, hein, que ce soit à la technique, à l'animation ou d'autres administratifs qui maintenant sont devenus des adultes responsables avec des enfants. Et c'est oui. Une belle. Et puis notre ami Guy Lescan qui a fait le tour de Nancy et qui est maintenant à la cathédrale. Tout à fait. Puis, voilà, je le vois assez souvent parce que moi-même je suis au centre-ville. Enfin, voilà, donc une très très belle aventure et beaucoup de dynamisme, hein, beaucoup de dynamisme toujours et encore. Quand on écoute Fadjet, on s'aperçoit que la jeunesse qui est arrivée maintenant a remplacé la jeunesse d'hier. Hein. On peut dire ça comme ça, c'est donc le début. C'est donc que le début finalement pour Fadjet. De toute façon, on ne connaît pas la fin d'avance, donc on ne sait pas si c'est le début ou vivons le temps présent, hein, parce que le présent mérite d'être vécu et je pense que actuellement vous avez une belle antenne et en plus des beaux locaux. Tout à hein, fait, ouais. Qui sont neufs depuis un an et demi. Ouais, vous avez un bel outil de travail. Bon, avec quelques belles émissions phares. C'est vrai que de temps en temps, j'ai un peu de nostalgie. Je me dis, tiens, c'est aussi parce que, on était jeunes, hein. Eh ben, il faudra repasser, Jean-Pierre. Mais avec grand plaisir, avec grand plaisir. Eh ben, on vous donne rendez-vous, alors. D'accord. Merci à vous de m'avoir appelé pour me donner la possibilité de me remémorer ces bons moments. Ça marche. À très bientôt, du coup. Allez, au revoir. C'est plus que radio. Fadjet, 30 ans. 30 heures de direct. Et oui, chez Fadjet, ce matin, on fête les 30 ans jusque demain 15h. Et puis, pour fêter les 30 ans de Fadjet, je vous propose un court extrait de Pomme qui date il y a très longtemps, puisque ça date de 1993. Écoutez. Et on se retrouve tout de suite après pour Crazy in Fadjet. Bien, bonsoir, vous êtes toujours calé en 94.2 sur Fadjet FM et Stéréo pour l'émission Parole d'Outre-Mur, l'émission dominicale avec l'équipe de choc. On commence par Stéphane. Ah ben voilà, Stéphane. Bonjour et Loulou. Stéphane, bonjour Julie. Bonjour Loulou. Comment allez-vous, équipe? Bonjour Jean-Pierre, bonjour. Équipe sympathique, bonjour. Entre toutes. Oui, oui. Entre toutes, bien sûr. Et puis vous avez vu un petit générique qui n'est pas le nôtre, mais c'est pas grave, c'était pour donner un peu d'exotisme cette semaine. La semaine prochaine, bien sûr, il reviendra et tout frais. Alors l'émission Parle d'Outre-Mur, c'est pour quoi faire? Eh bien c'est pour vous, amis auditeurs des régions, de la région de Nancy qui pouvez nous capter, et surtout pour nos amis détenus, les maisons d'arrêt. Nous avons appris cette semaine que nous sommes très très bien entendus à Bar-le-Duc. Bien. Oui, et puis Écrouve aussi, je pense. Oui, mais Écrouve est plus près que Bar-le-Duc, oui. Loulou. C'est plus méritoire de nous entendre à Bar-le-Duc. Et etc. À Bar-le-Duc, c'est très bien. Bienvenue sur Fadjet 94.2. Tout de suite, on vous propose votre nouvelle émission qui s'appelle Crazy in Fadjet. Une émission où on parle de tout, infos, actu, news, insolites. Crazy in Fadjet vous propose de casser les codes du journalisme traditionnel en vous proposant des faits marquants, mais surtout une note positive et des choses qui vont vous faire sourire, voire rire. Alors avec moi ce matin, je suis toujours accompagné d'Emilien et Evie. Ça va, vous êtes motivés les gars? Trop. Parfait. La forme. J'aimerais un petit peu plus d'entrain, je vous ai posé une question. Oui chef. Super motivé. On est content d'être là. Bon anniversaire Fadjet. Ok, ça c'est super. Et donc pour la première de Crazy in Fadjet, eh bien ce que je vous propose, c'est de revisiter avec que des bonnes nouvelles. Enfin pas que, mais majoritairement avec des bonnes nouvelles l'année 1987. Alors on va jouer ce matin, on va vous faire un petit journal des bonnes nouvelles. On va vous faire plein de nouvelles chroniques comme Paye ton actu, le journal des bonnes nouvelles, l'actu pour les nuls où Evie va nous parler de choses et d'autres qui sont peut-être compliquées à comprendre, mais grâce à Evie et son... Et mon œil de lynx. Mais voilà, je pense tout de suite, ça me fait penser à Evipedia. Et ben, franchement, ça va être du lourd, du lourd, du lourd, du lourd. Et puis, ben, on va commencer avec tout de suite le journal des bonnes nouvelles. Le journal des bonnes nouvelles dans Crazy in Fadjet. Et donc, Anto, tu vas nous dire qu'à cette époque-là, la francophonie a le vent en poupe. Sans conteste, l'année 87 restera celle de la consécration politique et diplomatique de la francophonie sur le plan mondial, grâce à la seconde conférence au sommet des nations ayant en commun l'usage du français, tenue à Québec du 2 au 4 septembre. C'est 43 délégations qui sont venues de 37 États indépendants, la France étant représentée par messieurs François Mitterrand et Jacques Chirac. Et ils ont à la fois donné aux pays utilisant le français un drapeau, vous savez, c'est ce drapeau en cercle multicolore sur fond blanc, un sens à leurs actions communes, c'est-à-dire oui aux interpénétrations culturelles et non à l'uniformisation générale dans le monde du Nord américain, et un début d'audience internationale, près d'un millier de journalistes s'étaient accrédités pour le sommet à Québec. Bonne nouvelle, le français va bien. En 1987, c'est aussi la signature à Montréal d'un accord international pour la protection de l'atmosphère terrestre. Oui, le protocole de Montréal, c'est un accord international qui a pour objectif de réduire et à terme d'éliminer complètement les substances qui réduisent la couche d'ozone. Il a été signé par 24 pays et par la Communauté économique européenne le 16 septembre 1987 dans la ville de Montréal, au Québec. Et il est entré en vigueur le 1er janvier 89. En 2009, 196 pays sont signataires du protocole de Montréal, lui permettant ainsi d'être le premier protocole environnemental à atteindre la ratification universelle. Bonne nouvelle, on prend soin de notre environnement. On revient en France, en Lorraine, où les radios locales en Lorraine se battent. Et oui, l'année 1987 marque en Moselle la constitution du réseau Radio L. La station leader du département, fondée par le Républicain Lorrain en 1981, veut faire barrage à l'avenue des réseaux nationaux et rachète toutes les petites stations qui commencent à être à bout de souffle. Radio Moselle Thermale, la radio du maire d'Amnéville, qui avait déjà comme régie publicitaire celle de Radio L, franchit un pas de plus en se nommant désormais Radio L Thermale et permet ainsi à Radio L de toucher tout le nord de la Moselle, les vallées industrielles et Thionville. Bonne nouvelle, on prend soin de nos radios locales. Au plan sportif, la France est au top, elle remporte le tournoi des 5 nations et réalise le Grand Chelem. Yes, le tournoi des 5 nations 1987 connaît un très bon parcours pour la France qui réalise le Grand Chelem. Les Bleus remportent un nouveau Grand Chelem. Ils ont alors Daniel Dubroca comme capitaine. Après une victoire contre les Gallois 16 à 9, un essai de 80 mètres de Philippe Seya permet aux 15 de France de battre les Anglais à Twickenham. Puis 4 essais français, dont 3 d'Éric Bonneval, permettent de vaincre les Écossais au Parc des Princes. La victoire décisive étant obtenue contre les Irlandais à Lansdowne Road sur le score de 19 à 13. Avec 2 essais d'Éric Champ, bonne nouvelle, le rugby français va bien. Enfin, 1987, c'est aussi les États généraux de la culture. Et oui, à l'initiative de Jacques Kralit, les États généraux de la culture voient le jour en 87. Un très grand nombre d'artistes et d'acteurs du secteur culturel de tous bords se rallient à ce mouvement. Le mouvement aboutit notamment à une déclaration des droits de la culture et pèse dans les négociations sur la culture à l'Organisation mondiale du commerce. La forte mobilisation fait suite notamment à la privatisation de TF1 et l'arrivée de la 5e chaîne, puis de Canal+ et d'M6, 3 chaînes privées. La déclaration des droits de la culture est traduite en 14 langues, et le mouvement des États généraux s'exporte peu à peu partout dans le monde. Plusieurs représentants voyagent en Allemagne, en Afrique ou encore au Chili sous le régime de Pinochet. Les deux grandes batailles des États généraux ont été l'instauration des quotas en Europe permettant de diffuser 60%, oui je dis bien 60% d'œuvres européennes et nationales à la télévision, et l'ajout de l'exception culturelle dans les accords généraux sur les services de l'Organisation mondiale du commerce. Petite victoire remise régulièrement en cause et amendée depuis par plusieurs personnes, mais bonne nouvelle, la culture va bien. Et puis voilà, c'était le journal des bonnes nouvelles. Donc c'est ce qu'on va vous proposer dans votre nouvelle émission Crazy in Fadjet, de vous donner que des choses positives et des bonnes nouvelles. N'oubliez pas, ce matin on fête les 30 ans de Fadjet, et je vous propose d'écouter tout de suite un gros tube de l'année 1987. C'est Michael Jackson avec Bad. Right. Just show your face. Right. Michael Jackson, Bad, c'était en 1987. Et vous êtes toujours sur Fadjet, dans Crazy in Fadjet, 94.2. Ce matin, on fête les 30 ans de la radio avec 30 heures de live non-stop, je vous le rappelle. Et puis tout de suite, dans votre émission Crazy in Fadjet, on passe à la chronique Paye ton actu. C'est Emilien, ce matin, qui va nous présenter Paye ton actu. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de cette chronique qui sera récurrente dans l'émission? Ouais, voilà, c'est une chronique donc on va faire dans l'émission. L'émission sera à peu près une fois par mois. Le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est 1987. Je pense qu'on l'a tous constaté depuis 1987, une évolution dingue, que ce soit dans la technologie ou tout simplement dans la vie, les évolutions sociales. Je vais donc vous annoncer une évolution sociale ou un produit qui a été créé, innové. À vous de me dire si ça a été créé ou modifié avant ou après 1987. Est-ce que j'ai été clair? J'ai l'impression que... Ouais, super clair. Puis, je suis désolé, j'ai juste oublié de dire que y avait Paul là qui vient de nous rejoindre. Salut à toi, Paul. On est ravis de t'accueillir. Tu viens jouer avec nous et on va s'éclater. Émilien, vas-y, je t'en prie. On commence tranquillement. L'abolition de la peine de mort, avant ou après 87? Avant. Moi, je dirais après. Hein. Attends. Je crois que c'est après aussi. C'est après. Hein. Ah oui, non, ouais. Si, c'est après. Ouais. C'est la première mesure qu'a pris François Mitterrand en 81. Tiens. Oui, il faut pas que je vous écoute parce que je me laisse influencer et je perds ma culture. C'est infernal. La première femme Premier ministre en France. Et la seule d'ailleurs, on peut le dire. Alors, c'était Simone Veil. Non. C'était Edith Cresson. Edith Cresson. Et c'était un Premier ministre. Je dirais après. Non, c'est après, c'est au début des années 90. C'est ça, 91-92, pardon. L'instauration du SMIC, donc le salaire minimum interprofessionnel de croissance. Avant, 87. Et là, j'avoue que je sais pas. Non, moi non plus. Okay. 1970. Ah, avant, ok, c'est si vieux que ça le SMIC. Ouais, je pensais d'accord. Pas non plus. Ouais. Mais il était bas à l'époque. Il est toujours pas plutôt bas. De toute façon, en même temps, j'ai envie de te dire. Plus bas. Et enfin, l'interdiction du port du pantalon pour les femmes à Paris. En fait, c'est après. Alors, l'histoire, c'est que même dans les années 2000, la loi existait encore. C'est pas une histoire comme ça? En fait, ça date de janvier 2013. Voilà. En oui. 1909, le pantalon peut être féminin, donc on crée des pantalons féminins, mais uniquement s'il est utilisé pour faire du vélo, du cheval ou du ski. Ça datait d'une loi de 1980, et on considérait que les femmes qui portaient un pantalon, c'était un objet de travestissement. D'accord. Donc, Evie, tu aurais été il y a encore deux ans en pleine illégalité. Mais fort heureusement, la loi n'était pas appliquée, bien heureusement. La loi n'était bien sûr pas appliquée. Juste pour les trois sports-là, en gros, s'il y a une dame qui a envie de faire, je sais pas, un peu de foot, du rugby, eh ben, elle doit être en robe. C'est ça. Et il fallait demander l'autorisation à la préfecture de police, si tu voulais mettre un pantalon. De la police, c'est-à-dire qu'on pouvait être arrêté pour ne pas avoir de pantalon. Pas de port de pantalon. C'est ça, mais en fait, à partir des années 20, ça commençait à venir. Les années 60, ça s'est vraiment développé. Ah, d'accord. Donc ça, c'était pour les évolutions sociales, mais voilà, moi j'ai mon téléphone qui est posé sur la table et je me suis demandé quels objets ont été créés aux alentours des années 80. Ah, donc je vais trop vous bien. Annoncer un objet plutôt dans la technologie en général. À vous de me dire si ça a été inventé avant ou après 1987. Ouais. L'ordinateur portable. Le portable. Portable. L'ordinateur portable. Ah, je dirais quand même après. Après, ouais. Après. Le premier, il a été inventé en 1981, donc c'était avant. Pas vrai. Ouais. Ah oui. Est-ce que tu sais qui a inventé le... J'avoue que je sais pas du tout. Je me demande, y a pas une pub à la télé en ce moment, une marque qui dit oui, c'est nous qui avons inventé. Ah, je sais pas du tout. Bon, je m'attends à ce que ce soit Macintosh en fait. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Ça m'étonnerait pas. C'est bien mais possible. Bon, tu sais, quand on voit le tout premier ordinateur qui faisait je sais pas combien d'étages et de mètres de longueur, je me demande à quoi ressemblait le premier ordinateur portable. C'est, même quand tu vois le premier téléphone portable, c'était une cabine téléphonique. Premier ordinateur portable, en fait, il fallait que tu balades. Je pense que c'était pas un MacBook Air, on est d'accord. Ouais. Ça, c'est sûr. Ensuite, nos parents, quand on était petits, nous disaient. Arrête de jouer à ta Game Boy, range ta Game Boy. J'adore la Game Boy. Ça date de quand la Game Boy? C'est avant. La toute première Game Boy, je me rappelle, elle était grise. En noir et blanc. Y avait, elle était en noir et blanc avec des boutons violets, quelque chose comme ça. Mais je pense violet que ça doit être avant 87. Ah, c'est compliqué. Si. C'est après, c'est en 1989 la première Game Boy. Ah, ça va, deux ans. 1989, la première Game Boy grise, d'ailleurs. L'objet suivant, je vois personne qui en a, c'est une montre à quartz. Ah, mais ça, je suis sûr que c'est après. Une montre à quoi? À quartz. À quartz. Forcément après. Forcément après? C'est pas oui. Ça date de 1923. Mais on est vraiment mauvais. Mais c'est quoi on cette chronique? On est mauvais, c'est quoi ce jeu? 1923. Mais ça va pas du tout, ça. Il faut qu'on s'améliore, les gars. Ça va pas du tout. Alors, je te donne une chance de t'améliorer avec un produit inventé par un Français, la carte à puce. C'est avant 1987, j'en suis sûr. C'est dans les années 70. C'est 1979. Qu'est-ce qu'il est fort, cet Anto? Bien joué. Le Walkman. Après. Avant. Avant 87. Paul, une idée? Aucune idée. Je pense que c'est avant 87 parce que si vous voyez des vieux films, peut-être pas fin des années 70, mais vous savez les vieux films des années 80 où il y a toujours une scène avec un adolescent un peu gogol comme genre ça, Footloose, avec des maxi, un gros casque. Non, mais ça doit non, être mais avant. Ça c'est 2015 encore, hein, les gros casques. Oui, c'est vrai que c'est revenu, c'est revenu à la mode. Non, je pense que c'est avant 87. C'est 1979. Ah, tu vois. Bien joué, Anto. Le Minitel, ça aussi c'est français. On était balèze en technologie. Ah, j'ai envie de te dire avant, ouais. C'était même au 18e siècle, le Minitel. Et ben non, c'était en 1980. Donc c'était bien avant, mais c'était pas non plus au Moyen-Âge. Ça s'est terminé en 2012, le Minitel, pour la petite histoire. 2012? Oui, ouais. C'est oui. Ils ont définitivement ouais. arrêté. Mais il y avait déjà l'iPhone 200 à cette époque-là. Avait, en 2012. C'est vrai, ouais. Et ça fonctionnait encore parce que je sais que mes grands-parents en avaient un et chez eux et je me rappelle qu'on s'amusait dessus. Et en plus, c'était super cher. C'est ça le truc du Minitel, c'est que c'était énormément cher. Et ça devait être super lent aussi, non? Ça devait être super, alors, c'était super lent. Et puis c'est surtout qu'une fois que les ordinateurs et etc. Internet est arrivé, ça servait strictement rien. C'était vraiment un objet vintage de déco, quoi. 36-15 ta vie. Oui, oui. La création du CD-ROM, enfin du CD. Bah en même temps, avant même Walkman trop, peut-être. Ah, avant, bah en même temps, aussi. Ouais, avant 87. Ouais. 1982 le CD. Ouais. Yes. Il a été remplacé, mais maintenant on utilise plus une clé USB. Ça date de quand une clé USB? Oh, ça c'est récent ça. Ouais. Des années 2000. Mmh. Des années 2000? Ouais. 1988. La clé. Une clé USB, c'est sérieux? C'est quand même après 87. Ouais, 1988. C'est-à-dire que, ouais d'accord, il y a eu donc 15 ans sans que je sache qu'une clé USB existe, c'est dingue ça. C'est fou. Aujourd'hui, on s'envoie tous des textos. Le texto, il date de quand? Le SMS. Ouh, après 87. Alors ça, oui, 95, c'est forcément après 87. 95-2000. Entre les deux. Anto, une idée? Ouais, je dirais plus tard que 87. 92, le premier texto. Ah, tu vois. J'avais ouais. un an. Et le mail. Après 87. Ouais. Oui. Après 87. Dans les années. Pour partir du principe que Internet a été inventé après 1987, donc le mail aussi. Oui, forcément. 1995, le premier mail. Yes. Et je me suis posé une question. Je ne sais pas pourquoi ça m'est venu pendant que j'écrivais la chronique. Je me suis demandé, pour terminer, l'escalator, de quand il date. J'adore les questions d'Emilien. Je me suis demandé. Et je suis sûr que ça a été inventé avant 87. Avant 87. Ouais. Est-ce que vous avez juste une idée de quand date le premier escalator? Moi, je suis tombé de haut. Moyen-Âge. Moyen-Âge. Avec le Minitel. 1000 et quelques, un truc comme ça. Pas forcément électrique. 1892. Oh oui, mais moi je suis pas étonné en fait. Je suis pas étonné. C'est vieux. À la base, il était en bois et les gens ils s'asseyaient en fait. Donc ça a rien à voir avec l'escalator. Mais alors comment ils montaient? Il y avait quelqu'un qui moulinait en bas, une espèce de manivelle pour faire monter les gens. Il y avait des gens qui pédalaient. Super, merci beaucoup Emilien. C'était Payton Actu, une chronique de Crazy in Fadjet. Donc voilà, vous avez compris le principe. Emilien nous propose des faits qui se sont déroulés avant ou après une date. Et à nous de deviner si... Non, ça veut rien dire ce que je dis. Emilien nous propose des faits, un événement. Et puis... Et puis on doit deviner si l'événement s'est déroulé avant ou après une certaine date. Voilà, j'y arrive. Voilà, vous êtes toujours sur Fadjet, on est sur 94.2. Ce matin et ce week-end, on fête les 30 ans de la radio et on 30 heures de live non-stop jusque demain 15h. Pour le moment, je vous propose de faire une petite page musicale. C'est Vanessa Paradis avec Joe le Taxi, c'est sorti en 1987. Et rappelez-vous, ça avait fait un carton en France. Connais toutes les rues par cœur. Joe le taxi. Oh mon dieu. Eh oui, c'était en 1987, c'est Vanessa Paradis avec Joe le taxi. Et tout de suite, on passe à l'actu pour les nuls. Et donc voilà, vous êtes sur Fadjet 94.2, ce matin on fête les 30 ans de la radio. Evie va nous proposer une nouvelle et superbe d'ailleurs chronique qui s'appelle l'actu pour les nuls. Qu'est-ce que c'est Evie, l'actu pour les nuls? Alors je vous présente justement une chronique, comme tu l'as dit, inédite qui s'appelle l'actu pour les nuls. Et justement l'idée c'est de simplifier au maximum des sujets d'actualité qui peuvent parfois être trop compliqués à comprendre. Et donc on s'en mêle les pinceaux plus qu'autre chose et parfois les médias ne nous aident pas forcément non plus. Donc là le but c'est justement de rendre de l'actu accessible à tout le monde. Et ça, voilà. C'est super parce que c'est vrai que des fois, franchement, et moi, le premier, je regarde les infos, ils parlent de plein de choses et je me dis, ouais, ok, mais. Et finalement, tu vois, t'abandonnes un peu parce que tu comprends rien et tu te dis, bon, bah tant pis. On reste en focus sur l'année 87 et voici donc un grand événement en deux temps qui s'est passé dans l'actualité de l'année 1987. Je commence fort pour cette première de Crazy in Fadjet et je vous parle d'économie. J'y ai passé la nuit. Je ne sais pas si j'ai tout compris, mais je vais essayer de vous expliquer quand même. Alors, en 1987 sont signés les accords du Louvre à Paris. Donc ça, c'est l'actualité en France par le G6, c'est-à-dire le G7, mais sans l'Italie. Et ces accords avait pour but d'enrayer la baisse du dollar américain et de stabiliser les taux de change qui sont les taux de change. Et ces accords sont dans la continuité des accords du Plaza de 1985 qui étaient des accords parés sur les taux de change signés par le G5. Alors, la chronologie de ces accords, pour comprendre ce qui se passe, le G5 accepte avec les accords du Plaza, entre autres, d'intervenir sur les marchés d'échange afin de faire baisser la valeur du dollar qui était devenu trop haut par rapport au yen et par rapport au Deutsche Mark à l'époque. Et donc, ça servait en gros à faciliter les échanges internationaux pour qu'on puisse échanger, commerciaux. Quoi. D'accord. Et donc, du coup, le dollar va atteindre un niveau assez bas et au final, il n'y avait plus aucun bénéfice pour les États-Unis. Parce D'accord. que le dollar était oui. trop bas, il ne gagnait plus autant d'argent qu'il pouvait avec D'accord. un dollar plus haut. Et donc, il y a donc les accords du Louvre qui ont été signés justement pour essayer d'arrêter cette baisse du dollar, pour essayer d'arrêter la dévaluation de la monnaie américaine. Mais malheureusement, ces accords ont été un échec. Et ça a contribué au crash d'octobre 1987. Ça, je m'en souviens dans mes cours d'histoire de lycée. C'est le crash de 87. Moi, j'ai complètement zappé. Le lundi noir. Ouais, le lundi noir, exactement. C'est la deuxième actualité compliquée à décrypter. Ça s'est passé le 19 octobre 1987. Et c'était les marchés de taux d'intérêt et d'actions qui se sont crashés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, en gros, un crash? Donc, dans ce contexte-là, entre autres, la valeur du dollar avait été stabilisée par les accords du Louvre, mais il reste tout de même assez bas. Donc, aux États-Unis, il se passe un phénomène contraire, c'est-à-dire qu'il y a les taux d'intérêt qui vont augmenter. C'est-à-dire que les gens, on va les influencer, enfin leur dire de mettre de l'argent à la banque, ils vont gagner plus d'argent. Donc, justement pour d'épargner. Donner plus, plus de valeur à ce dollar mm-hmm. qui ne vaut au final rien. Et, ce mouvement commence dès la signature des accords du Louvre, car aux yeux des gestionnaires de fonds, ces accords impliquent que le dollar doit s'arrêter de baisser et les taux d'intérêt américains doivent remonter pour rendre le placement intéressant. Justement, c'est ce que je disais. Sauf que la bourse va en prendre un coup parce que les actionnaires vont se dire à quoi ça sert que j'investisse mon argent dans des actions alors que si je le mets à la banque, je suis sûre d'avoir de l'argent et avec les actions, je ne suis pas sûre d'en avoir. Donc, tout le monde se rue à la bourse, on récupère son argent, on pose ses actions et la bourse, ils ont plus d'actions que d'argent. Donc, ça s'appelle un crash. Voilà, donc c'est une façon de montrer un peu l'interdépendance des marchés principaux entre l'échange, le taux d'intérêt et les actions. Mais Evie, merci beaucoup. Mais Evie, il faudrait que tu fasses, que tu crées ton propre dictionnaire. Oui, c'est tu pas mal ça. Ou le JT de 20h sur TF1. Ah, mais carrément. Le JT pour les nuls. Tu vois, ils ont cherché une remplaçante pour Claire Chazal, mais moi, je l'ai tout de suite trouvée. C'est moi. C'est Eviepedia. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Evie, pour ton actu pour les nuls. Donc, tu nous proposeras tous les mois de nous parler un petit peu d'actu, mais sur une note un peu plus facile que d'habitude, voilà, ce qui rend accessible l'actualité à tous. On continue dans nos 30 heures live sur Fadjet. Tout de suite, on va se faire une petite pause musicale. On va écouter encore un titre des... Alors, ce titre-là est sorti en 87, mais en France, il a eu son succès en 1987. Ça n'a pas de sens ce que je viens de dire, puisqu'il est sorti en 86, mais en France, il a eu un succès en 87. Rappelez-vous, c'était Madonna avec La Isla Bonita. Et puis, on se retrouve tout de suite après avec notre dernière chronique qui s'appelle La Vérité si je mens. À tout de suite sur Fadjet. ¿Cómo puede ser verdad? Elle donne la pêche, cette chanson, cette Madonna. Ça là. Motive. Hein, La Isla Bonita sur Fadjet. Et tout de suite sur Fadjet, dans Crazy in Fadjet, je suis toujours avec Emilien et Evie. Il est 11h47 exactement, on n'a pas beaucoup de temps, mais on va vous proposer La Vérité si je mens. Donc en gros, je vais vous présenter des faits, donc toujours en 1987, des événements, et vous allez devoir me dire si c'est vrai ou si c'est faux, est-ce que ces événements se sont véritablement déroulés. Donc en 1987, lancement de M6, vrai ou faux ? Vrai. Bon, en plus, bon, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, donc c'est vrai, à 11h15 exactement, la petite chaîne qui monte émet pour la première fois la télévision française. Les émissions phares de la chaîne comme Turbo, Jazz 6 et Ciné 6 font déjà partie de la programmation classe. En 87. Wow. Ça, c'est la classe. Turbo, ouais. Ouais, ouais. Et en 1987, est-ce que Mitterrand et Thatcher donnent le départ du tunnel sous la Manche ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Il me semble que c'est vrai. Et que ça s'est terminé en 94. Eh bien, c'est vrai. Après avoir choisi le projet du tunnel ferroviaire et mis en place tous les moyens nécessaires à sa réalisation, François Mitterrand et Margaret Thatcher signent le traité franco-britannique autorisant sa construction. C'est en fait le point de départ des travaux qui commencent dans la foulée. Le creusement du tunnel sous la Manche débute en Angleterre avec le forage de Shakespeare Cliff. En France, ils débuteront au mois de février suivant. Amorcés en automne, ces travaux prendront en fait du retard rapidement, effectivement, pour se terminer en 94. J'ai toujours cru que le tunnel sous la Manche, il était dans l'eau, en fait. J'ai jamais compris qu'il était creusé en dessous. Quand j'étais petit, moi aussi, je pensais que c'était un tube qui passait dans l'eau. Bah ouais. Et sincèrement, quand j'étais petit, je pensais vraiment qu'il y avait des vitres et qu'on voyait les poissons. Bah oui, ouais. Mais je pense tout le monde, en fait. Mais oui, tout le monde. Et en fait, non. Et en fait, il passe exactement dans la terre, sous l'eau. C'est bien en dessous du niveau de la mer. Quelle génération stupide nous sommes. Bah écoute, non, on n'est pas stupide, c'est juste que on progresse, hein, on se renseigne. Hein. Alors vrai ou faux, la catastrophe nucléaire de Tchernobyl a eu lieu en 87. Oui. Il me semble que c'était l'année d'avant, en 86. Ah, peut-être, ouais. Bravo ! Je me rappelle comme si c'était hier. Regardez-moi ça, Emilien, qui nous sort sa culture. J'avais moins 6 ans. Eh bien, c'est faux, effectivement, elle a eu lieu en 86. Bon, elle était un petit peu difficile, celle-ci. Alors, la catastrophe de Tchernobyl, classée au niveau 7, le plus élevé sur l'échelle internationale des événements nucléaires, a eu lieu le 26 avril 1986, dans la centrale de Lénine, située à l'époque en RSS d'Ukraine, en URSS. Alors, évidemment, en 87, en France, on ne s'inquiète pas, puisque le panache radioactif, s'est arrêté à la frontière. Bah oui, bien sûr. Allez, c'est en 87 ou pas que fut lancée la première émission phare de TF1, le Club Dorothée. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? C'est vrai. Emilien, t'en penses quoi ? 2 septembre 1987. Bah écoute, Evie a l'air sûre d'elle, moi bah, je la oui, suis. Bah oui, sûre et certaine. C'est vrai. Stop. Eh bien oui, donc c'était en 1987. Souvenez-vous, le Club Dorothée était une émission destinée à la jeunesse et diffusée sur TF1 du 2 septembre 87 au 30 août 97. Produite par AB Productions, à la présentation, une équipe de 5 animateurs. Vous vous souvenez de Dorothée, Jackie, Ariane, Corbier et Patrick Simpson-Jones et puis Eric Galliano qui est venu en fin de saison. L'émission est centrée autour de l'animatrice vedette Dorothée, faisant grandement place à la facette de la chanteuse. Et puis surtout, l'émission s'agrémentait de nombreux dessins animés, séries télévisées, sitcoms, jeux, concours et rubriques éducatives. Durant 10 années d'existence, elle fut marquée par des records d'audience. C'était quoi votre dessin animé Dorothée préféré? Je me souviens même plus, il y avait quoi alors? Bah, Evie qui est née en 2000, d'accord. Toi, Emilien, est-ce que tu te souviens du Club Dorothée? J'ai vu des extraits du Club Dorothée, ça a pris quand même un sacré coup de vieux de ce que j'ai vu. Je suis pas d'accord. Est-ce que vous, bah, tout le monde a regardé par exemple Dragon Ball Z? Ah, c'est le Club Dorothée. Ah, bah oui, c'est le Club Dorothée. J'ai vu des extraits du Club Dorothée. Voilà, ok, super. Allez, on passe à la suite. Vrai ou faux, François Mitterrand a participé au Club Dorothée? Faux. Moi, je le vois bien dedans, moi. Eh bien, c'est vrai. C'est vrai. Et ouais, le Club Dorothée, c'était aussi mêlé divertissement et actualité. Et il suffit de voir la liste des invités de l'émission. Et franchement, c'est un truc de dingue. Pour ne citer que Valéry Giscard d'Estaing, Ray Charles, Patrick Poivre d'Arvor, Gloria Gaynor et même François Mitterrand. C'était à Noël 1988. Il était alors président de la République. C'est pas un truc de dingue? Ben si, mais ils avaient les moyens, quoi. Enfin, bah après l'émission, je pense qu'elle cartonnait, donc c'était un peu l'endroit où il fallait se faire voir aussi. C'était l'ancêtre du talk show, quoi. Exactement. Alors faut savoir qu'en fait, le Club Dorothée, ça a eu un succès tellement fou, jusqu'à 30 heures d'antenne hebdomadaire, voire 40 heures d'antenne hebdomadaire pendant les vacances. Si tu veux, il y avait du Club Dorothée à tout va sur TF1. Et puis c'est donc, elle est devenue l'émission incontournable de la chaîne. Et si on voulait se faire voir, c'était sur le plateau du Club Dorothée. D'accord. Voilà. Pour la petite anecdote. Allez, encore une info. Vrai ou faux, Miss Lorraine a gagné l'élection Miss France en 1987? Moi, je ne pense pas. Emilien, tu dis non. Evie? Non plus. Evie, comme par hasard, elle dit non. Evie, elle va faire comme si elle ne connaissait pas la réponse. Bon, vous avez raison, c'est faux. Alors, Miss... En 87, en fait, c'est Nathalie Marquet-Pernot qui a été élue Miss France. Elle était Miss Alsace 86, donc élue ensuite Miss France 87. Elle est la 57e Miss France. Et puis, elle est également 6e dauphine de Miss Monde 87. C'est pas mal, quand même, 6e place. Ouais, mais c'est bidon. 6e dauphine, t'as pas de cadeau, quoi. Ouais, bah écoute, hein, il faut bien un podium. Il y a un moment donné où bah, t'es pas sur le podium. Il faut bien une place comme ça qui est un peu cruelle. On va faire un 2e podium. Ouais, mais puis on va faire un 3e et un 4e jusqu'à la fin. Voilà, c'est ça. Bravo, Evie. Est-ce que c'est pas la femme de Jean-Pierre Pernaut, par exemple? Eh bien, si, justement. C'est ça qui est marrant. C'est pour ça que je vous ai sélectionné cette actu. En fait, Nathalie Marquet, c'est la femme, on la connaît aujourd'hui parce qu'elle est mariée au présentateur de JT de TF1, Jean-Pierre Pernaut, alias JPP. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est le seul mec, ses initiales, c'est JPP, quoi. J'en peux plus. Non, mais c'est cool parce qu'elle était quand même de la région. Elle était Miss Alsace 86. Hmm? Puis Miss France, c'est cool. Oui. Elle avait l'accent de l'Alsace. Ah, je sais pas si elle avait l'accent. Moi, j'ai pas l'impression qu'elle avait l'accent, mais en tout cas, elle était très jolie sur les photos. Allez, une dernière info, vrai ou faux, le film Dirty Dancing est sorti en 1987. Eh bien, moi, je dis vrai parce que la musique est sortie en 1987, donc j'imagine que la musique est sortie. Ça veut rien dire. Ça veut strictement rien dire. Emilien, qu'en penses-tu? Moi, je pense que c'est sorti avant. Pourquoi? Juste par esprit de contradiction avec Evie. Ah, c'est pas mal ça. Bon, alors, d'abord, je vais vous faire écouter ça. Extrait. Attention, Emilien, porté. Voilà, c'était en 1987, effectivement. Hein. On ne laisse pas bébé dans un coin. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette réplique ultra connue de David Swayze. Alors, des milliers David de jeunes femmes... Patrick. de Patrick. Des milliers de jeunes femmes ont poussé un soupir à la suite de cette réplique devenue mythique du dernier film musical à succès des années 80. C'était Dirty Dancing et mettait en vedette celui que l'on surnomma le beau Patrick Swayze et sa partenaire Jennifer Grey, mais aussi une bande sonore qui a connu un succès remarquable, servant de toile de fond à bien des gens en 87 et un parcours fort enviable pour Broadway. Et puis je vous laisse aussi écouter ce qu'on en a fait de Time of My Life, c'était en 2010. Voilà, c'était les Black Eyed Peas qui ont repris Time of My Life en 2010. Malheureusement, les amis, il est 11h55. Je vais devoir rendre l'antenne. Je suis triste de vous quitter. Ça passe trop, trop vite avec vous. C'est abusé. Voilà, c'était Crazy in Fadjet, la première. N'oubliez pas les 30 ans de Fadjet. 30 heures de live jusque demain, 15h. Tout de suite, je vous passe les Rita Mitsouko. C'est comme ça. C'était un tube en 1987. Et on enchaîne ensuite avec Tidjiri tout de suite. Comme ça, ça plonge et ça vire. Il faut que je m'ouvre.